434, activation, oral, present indicative of parler. Answer according to the example. You hear. 1. Est-ce que vous parlez bien français, vous deux? You say. Mais oui, nous parlons très bien français. 2. Est-ce que tu parles français? Mais oui, je parle très bien français. 3. Est-ce que vous parlez français, madame? Mais oui, je parle très bien français. 4. Est-ce que Mireille parle français? Oui, elle parle très bien français. 5. Est-ce que Robert parle français? Oui, oui, il parle très bien français. 6. Est-ce que les étudiants parlent français? Mais oui, ils parlent très bien français. 7. Et moi, est-ce que je parle français? Mais oui, tu parles très bien français.